Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL Radio, en DAB+, et sur 99FM. Et maintenant, en platine, papa. Hello, hello, la planète RPL. Bonne année, bonne santé. Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour l'année 2019. Vous êtes dans Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin sur votre radio RPL. On écoute sur le 99 FM dans la grande métropole lilloise, en radio numérique pour ceux qui sont équipés, ou encore via le site de la radio. Je vous donne l'adresse, c'est le www.rpl.radio. Kimbo pour vous accompagner jusqu'à 9h, c'est le premier épisode de Fréquence Club en 2019. On remercie au passage Tonton Jay et son émission Back to the House. Il reviendra samedi prochain. Nous, comme l'an dernier, nous sommes partis pour 2 heures de musique électronique. Donc si t'es au boulot, on te souhaite bon courage. Et si t'es dans ton lit, move ton body. Allez, on continue ton week-end électronique. Encore une bonne année à vous. Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. We'll be right back. DDL Radio. Thank you. Club, votre after du samedi matin. Thank you. même sur les ondes d'RTL. Thank you. tous les replays sur le www.frequenceclub.com. Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. La première heure de Fréquence Club s'achève, restez calés, on va enchaîner avec une deuxième heure de mix. We'll be right back.